On l'a appelée la prisonnière du désert, Françoise Claustre, une archéologue française enlevée au Tibesti par un rebelle toubou qui allait se faire un nom grâce à ce kidnapping, Hissène Habré, futur chef d'État du Tchad. 15 ans après les fêtes, ce ravisseur allait être reçu avec les honneurs à Paris. C'était donc dans les années 70. Françoise Claustre allait rester plus de 30 mois prisonnière et, disons-le tout de suite, sans l'extraordinaire persévérance de son époux Pierre et sans le courage de quelques journalistes, elle aurait pu rester encore longtemps captive tant l'affaire ne semblait que médiocrement intéresser les autorités françaises de l'époque. La semaine passée, M. X m'a longuement parlé du Tchad et du long règne du président Tombal Baye, premier président de cette ancienne colonie française dont la population est hétéroclite, on recense plus de 200 ethnies au Tchad, ne favorise guère l'éclosion d'un sentiment d'unité nationale. Au sud, vivent des agriculteurs, des animistes christianisés à la faveur de la colonisation. Au nord et à l'est, dans les déserts et les montagnes, on trouve des pasteurs souvent nomades et de tradition guerrière. Ces anciens trafiquants d'esclaves sont musulmans. Regroupés sous l'appellation Toubou, ils sont eux-mêmes divisés en plusieurs clans rivaux. Très peu de temps après l'indépendance, alors que Tombal Baye, un sudiste, gouverne avec le soutien très actif de la France, les tribus du Nord se rebellent. La situation devient si précaire que le pouvoir tchadien en appelle à Paris. Un important corps expéditionnaire est envoyé au Tchad. Malgré l'absence de menaces extérieures qui auraient seule justifié l'intervention militaire française, notre armée participe au rétablissement de l'ordre. La rébellion Toubou du Frelinat, le Front de Libération Nationale du Tchad, est, sinon vaincue, du moins contenue. Très provisoirement, car les Toubous ne désarment pas. Et alors même que la France maintient plus de 1000 hommes dans ce pays dont la position est stratégique en Afrique, les Toubous recommencent à s'agiter, avec cette fois le soutien du voisin libyen qui a des visées territoriales sur le nord du pays, la bande d'Aouzou. Telle est la situation quand, en 1974, l'archéologue Françoise Claustre est enlevée. Un mot d'abord. Cette affaire a suscité beaucoup de rumeurs. Des rumeurs qui n'étaient pas toutes innocentes, bien sûr. Il en est souvent ainsi dans certains faits divers où l'on prend un malin plaisir à s'acharner sur la victime. Mmh. Comme si le fait d'être victime n'était pas innocent. Comme si elle était en quelque sorte coupable d'avoir été choisie pour victime. Ouais, elle est bien cherchée. C'est ça. Alors, je voudrais quand même rendre hommage à Mme Claustre, dont la discrétion après sa libération était exemplaire. Malgré sa rancœur, malgré sa souffrance. Je me souviens pourtant que à l'époque, cette discrétion, justement, avait étonné. Oui, on a même prétendu que si Françoise Claustre s'était tue, c'est qu'elle avait des choses à cacher. C'est assez ignoble. Enfin, passons. J'invite ceux qui douteront encore à lire le livre que son mari, Pierre Claustre, a écrit 15 ans après les faits. D'accord, c'est enregistré. Mais enfin, il reste quand même que cette affaire recèle encore pas mal de mystères. Certainement, hein. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'honneur des époux Claustre. Mmh. Alors, rappelez-moi, comment est-ce que ça commence? Bien, la situation des Claustres, tout d'abord. Mm-hmm. Ils se sont connus au Tchad. Lui est le chef de la MRA, la mission de réforme administrative imposée au président Tombal Baye par le général de Gaulle. Mm. Cet organisme, piloté par la France, doit donc aider les autorités tchadiennes à se réformer, en théorie, tout au moins. Oui. La MRA poursuit également des objectifs strictement humanitaires. Création de dispensaires, creusement de puits, etc. Enfin, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que nos services spéciaux, qui étaient très présents au Tchad, comme dans toute l'Afrique francophone, ont parfois été tentés d'y infiltrer des agents. Mais Claustre, lui, n'avait aucun rapport avec la piscine. Il n'appréciait guère les conseillers français de l'entourage du président Tombal Baye. Qui étaient des barbouzes, m'avez-vous dit. Hein. Souvent, ouais, souvent, oui. Ouais. Des hommes qui avaient la haute main sur les services de sécurité et dont les méthodes étaient pour le moins discutables. On en reparlera. Alors Françoise, elle, c'est donc une archéologue qui travaille au Tchad depuis 10 ans. Son chantier de fouilles se trouve au nord, dans la région de Fayal-Arjo. Et elle n'a jamais eu d'ennui avec les rebelles Toubou? Non. En 1974, un médecin coopérant allemand, le docteur Steven, installé au Tchad depuis des années, lui signale l'existence de 3 tombes pré-islamiques dans la palmeraie de Bardaï, là même où il exerce son métier. Pardonnez-moi, mais où est situé Bardaï? À l'extrême nord du pays, tout près de la bande d'Aouzou. Donc dans une région là, tenue par les rebelles, hein? Oui, les hommes du Frelinat contrôlent le désert et les montagnes. Mais pas les palmeraies, où sont cantonnées des forces gouvernementales. D'autre part, en 1974, la région est calme et il y a longtemps qu'un coup de feu n'a pas été tiré. Vous voulez donc dire qu'on ne court pas de risques particuliers en se rendant à Bardaï? Oui. car naturellement certains vont prétendre que Françoise Clostre est allée elle-même au devant du danger. Mais elle est munie de toutes les autorisations nécessaires et fait le voyage dans un avion militaire français. Mmh. Et l'enlèvement lui-même ? Il a lieu la nuit, en avril 1974. C'est d'abord un collaborateur de la MRA, Marc Combe, qui est visé. Elle est un subordonné de Pierre Clostre, donc. Oui, ouais. Il se trouve à Bardaille pour y effectuer des travaux. Mais les ravisseurs entendent aussi enlever le docteur Steven, ainsi qu'un autre Allemand, membre d'une mission scientifique. Une petite troupe de rebelles, commandée par un certain Hyssen Abré, envahit donc à la nuit la Palmeraie. Et ça se passe très mal. Deux officiers tchadiens, qui dînaient chez le médecin allemand, tentent de riposter. Ils sont abattus. Et Madame Steven est tuée au cours de l'échange de coups de feu. Et Françoise Clostre, alors ? Les rebelles Toubou n'étaient pas informés de sa présence. Mais elle est quand même capturée. Les ravisseurs s'enfuient donc avec trois Européens. Marc Combe, le docteur Steven et Françoise Clostre. Mmh. Mais vous m'aviez dit que la Palmeraie était défendue par une garnison tchadienne. Des gens retranchés dans un fort qui n'auront pas le temps d'intervenir. Il existe aussi une troupe composée essentiellement de gardes nomades. Des hommes qui choisissent de se sauver. Autant parce qu'ils sont proches de leur frère Toubou que parce qu'ils craignent d'éventuelles représailles du gouvernement de Tombalbaye. Est-ce qu'on va connaître très vite les revendications des ravisseurs ? Oui, des liaisons radio sont établies. Les rebelles exigent la libération d'une trentaine de prisonniers politiques détenus par le gouvernement tchadien. Ils veulent ensuite qu'un de leurs manifestes soit diffusé par les radios nationales françaises et allemandes. Enfin, ils réclament le versement d'une rançon d'un milliard de francs CFA, c'est-à-dire 20 millions de francs. Comment réagit le gouvernement tchadien ? Tombalbaye ne veut rien savoir. Et sa première réaction est désastreuse et risque de mettre en péril la vie des otages. Il envoie des soldats à Bardaille. Des soldats qui, il faut le noter, sont transportés par des avions militaires français. Cette troupe incendie la Palmeraie par mesure de représailles. Mais vous avez insisté sur le fait que les avions étaient français. Naturellement. C'est un engagement très significatif. Il est clair que dans un premier temps, Paris préfère la manière forte. Mais il faut dire que tout cela se passe dans un contexte très particulier. Le président Pompidou est mort quelques jours plus tôt. En France, on est donc en pleine campagne électorale. Oui, c'est un président intérimaire qui se trouve à l'Élysée. Oui, le président Power, j'allais dire, comme d'habitude. D'autre part, au Tchad, même, l'ambassadeur français vient de partir. C'est un simple chargé d'affaires qu'il remplace. Et quand arrivera le nouvel ambassadeur, il ne manifestera pas beaucoup d'intérêt pour cette prise d'otage. À ce moment-là, à Paris, comme à N'Djamena, on considère que Françoise Clostre est une aventurière, une militante de gauche ou d'extrême gauche, et qu'elle n'a au fond que ce qu'elle mérite. Vous n'exagérez pas un peu, là ? Pas du tout. Il faudra attendre le milieu de l'année 75 pour que le président Giscard d'Estaing lui rende un hommage appuyé et balaye toutes ces infâmes rumeurs. En tout cas, cette prise d'otage tombe donc au plus mauvais moment. D'autant que nos relations sont alors au plus mal avec Tombalbaye, qui est de plus en plus despotique, susceptible et alcoolique. Eh ben. On finira d'ailleurs par lui trouver un remplaçant, mais nous en avons parlé la semaine passée. Un mot peut-être sur Hyssen Abré, qui fait à cette occasion son apparition sur la scène internationale. Hein. Vous avez raison, car jusque-là c'était un quasi-inconnu. Il a alors une trentaine d'années. Cet homme maigre, ascétique, au regard dur, est né dans une famille de modestes bergers nomades appartenant à l'une des ethnies Toubou. Musulman, il n'en suit pas moins les cours d'une école missionnaire, puis il travaille pour l'armée française. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je crois qu'il était magasinier. Ah, ouais. C'est la chance de sa vie, car un officier le remarque. Abré est en effet un type intelligent, il bénéficie alors d'une formidable promotion, puisqu'il obtient un poste d'adjoint dans une sous-préfecture. Puis après l'indépendance, grâce à une bourse, il vient en France et commence ses études de droit tout en suivant des cours à Sciences Po. Quand il revient chez lui, Tombalbaye le nomme sous-préfet. Mais Abré a déjà d'autres ambitions. Oui, politique, c'est ça. Le nationaliste, ouais. Pas très commode, se rapproche du Frelinat, l'organisation des rebelles Toubou. Puis après s'être querellé avec son chef, le docteur Sidik, il est invité par un autre chef dissident, Goukouni Vadaï, à prendre la tête de ce que les rebelles appellent pompeusement la deuxième armée. Une organisation sans grands moyens qui n'en règne pas moins sur le Tibesti et les déserts du Nord. Ouais. C'est donc plus un intellectuel qu'un militaire. C'est certain. Et en procédant à cet enlèvement d'otages européens, une première pour la rébellion, Abré veut non seulement se faire connaître, mais surtout obtenir une rançon pour acheter ses armes qui manquent si cruellement à sa maigre armée. Et il va réussir en partie. Car les Allemands, à la différence des Français, vont vite négocier avec lui. C'est qu'ils vont payer ? Oui, 4 millions de francs. Et le docteur Steven sera rapidement libéré, à la différence des deux Français qui vont demeurer en captivité dans le désert et dans les conditions que vous pouvez imaginer. Pourquoi alors cette différence d'attitude entre la France et l'Allemagne ? Vous voulez que je vous dise franchement mon avis ? Oui. Eh bien, c'est qu'à Paris, on n'accordait guère d'importance à l'affaire. Monsieur X a précédemment évoqué le livre de Pierre Clostre. J'y ai trouvé ce passage à propos de l'attitude française. On entend parfois à propos des otages pris dans un pays étranger, quel est-il donc faire là-bas ? Or, on reconnaît dans le même temps l'importance sur le plan économique, politique et culturel des quelques 2 millions de ressortissants français qui vivent et travaillent en dehors de l'Hexagone. On oublie également que très souvent le sort tragique de ces Français est provoqué par une réaction à la politique étrangère de la France. Peu importe que cette politique soit bonne ou mauvaise, juste ou injuste. Les otages paient pour tous. Il est donc normal que l'ensemble de la communauté à laquelle ils appartiennent se porte à leur secours. En tout cas, essayer de justifier leur abandon en leur faisant porter la responsabilité de leur enlèvement ou en faisant courir à leurs propos des histoires sordides entièrement fabriquées pour la circonstance est sans doute la pire des lâchetés. Certes, ce genre de situation n'est pas facile à régler. Nous ne sommes plus au temps des canonnières. Il ne reste donc qu'une solution, discuter. Il est vrai que les exigences des ravisseurs peuvent être déraisonnables et même parfois extravagantes, mais comment espérer les amener à la raison si l'on ne dialogue pas avec eux? Le coût du mépris est sans doute, dans ces circonstances, une grave erreur. Le livre de Pierre Clostre a été publié en 1990 chez Cartala. Mais discuter avec les ravisseurs, comme l'ont fait les Allemands, et leur donner satisfaction, n'est-ce pas encourager d'autres prises d'otages? La fameuse doctrine, on ne négocie pas avec des preneurs d'otages. Bah oui. Bah, il a été battu en brèche par tous les gouvernements, vous le savez bien. Au Liban ou ailleurs, nous avons négocié et nous avons payé. Secrètement, bien sûr, pour ne pas perdre la face, mais enfin la réalité est là. Ouais. Toutefois, enfin, pour revenir strictement à l'affaire Clostre, hein, bon, y a eu des contacts entre Abré et des émissaires français. Vous avez raison, mais ça s'est presque toujours mal passé. D'une part, parce qu'à Paris, où le pouvoir venait de changer, il n'y avait pas une ferme volonté d'aboutir. D'autre part, parce que les émissaires qu'on a envoyés n'étaient pas toujours les bons. Et enfin, parce que le pouvoir tchadien a sans cesse fait en sorte de saboter ces éventuelles négociations. La meilleure preuve, c'est que Tombalbaye a été furieux lorsqu'il a appris que les Allemands avaient trouvé un accord avec Hissé Dabré. Et il a immédiatement rompu les relations diplomatiques avec Beaune. Oui, parce que Tombalbaye ne voulait pas qu'une remise de rançon permette à Hissé Dabré d'acheter des armes. Et qu'en outre, il se moquait parfaitement du sort des deux Français. En Afrique, vous le savez bien, la vie n'est pas toujours la même valeur que chez nous. Il y a la faim, le sous-développement, les guerres civiles. Alors la vie de deux petits Français... Ouais, d'accord, mais enfin, très concrètement, enfin... Que pouvait faire Tombalbaye? Ben, il a par exemple fait arrêter de nombreux membres de la famille et de la tribu de Hissé Dabré. Une vraie provocation. A l'évidence, il n'y aurait pas déplu que le leader Toubou se venge ou exécute ses otages. Car cela aurait obligé la France à s'impliquer militairement au Tchad contre les rebelles, comme elle l'avait déjà fait quelques années plus tôt. Mais le président tchadien a joué un rôle peut-être encore plus pervers. Je veux parler de la désignation comme émissaire du commandant Galopin. Hey, vous m'avez déjà parlé de lui. Hein. Oui, Galopin est l'adjoint de ce Gourvennec qui dirige les services de sécurité tchadiens et qui participe donc à la répression contre les opposants en utilisant des méthodes musclées, pour ne pas dire plus. Galopin est tout particulièrement haï par les Toubous et surtout par l'allié de Hissé Dabré, Goukouni Wadaï, qui l'accuse d'avoir tué son frère. Alors, c'est cet homme qu'on va envoyer justement rencontrer à Bré. Oui, il y a manifestement une erreur de casting, comme on dit aujourd'hui. Mais attendez. Qui a pris la décision de désigner ce commandant, hein? Officiellement, Galopin va représenter le gouvernement français. Enfin, il est certain que ce nom a été soufflé aux autorités françaises par Tombalbaye lui-même. Parce qu'il savait que sa mission était vouée d'avance à l'échec? Je le pense. Mais ce faisant, il ne pouvait pas ignorer qu'il envoyait une mort presque certaine. Ouais. Et alors, à Paris, on a laissé faire? Oui, malgré les avertissements de Pierre Clostre, qui remet ciel et terre pour que le gouvernement français règle l'affaire au plus tôt. Alors... Malgré tout, le commandant Galopin se rend au Tibesti. Et ce qui était prévisible arrive. Il devient à son tour otage des Toubous. Et puis pour Abré, la prise est d'importance. C'est sûr, c'est sûr. Galopin est un officier de l'armée française, un officier accusé par ses geôliers d'être un tortionnaire et qu'ils entendent bien juger et condamner. Et tout de suite, les enchères montent. Les Toubous exigent maintenant qu'on leur livre des armes. Ah, et pas seulement une rançon. Oui, mais je voudrais signaler quelque chose. Tout cela se passe dans la plus grande discrétion. En France, par exemple, on ne sait pas que le commandant Galopin a été retenu prisonnier. Quant à Françoise Clostre et à Marc Combes, c'est à peine si on parle d'eux. Enfin, quoi qu'il en soit, Pierre Clostre, qui fait preuve d'une détermination admirable, parvient à joindre les rebelles Toubous. Et Hissé Dabré l'autorise même à rencontrer son épouse. Et ça se passe quand, ça, non? N'ai plus tout à fait la chronologie en tête, mais ça doit avoir lieu vers la fin 74. Dans le même temps, un fonctionnaire français de la coopération est chargé de prendre langue avec Issa-Nabré. Une nouvelle tentative de négociation, c'est ça? Oui, Robert Puissant, c'est son nom, mène bien son affaire. Il a d'ailleurs déjà rencontré Abré en compagnie de Pierre Clostre, peu après le début de la prise d'otage. Et au début 75, donc 9 mois après le début de la prise d'otage, il met au point un accord avec les ravisseurs. Ils sont prêts à rendre un de leurs otages si on leur livre divers matériels et si le gouvernement tchadien libère 10 des prisonniers politiques qu'il détient. Alors la balle est maintenant dans le camp tchadien. C'est cela. Et à Paris, on fait pression sur Tombalbaye. Mais le tchadien exige soudain que cet otage libéré soit le commandant Galopin. Refus de Abré. Il est maintenant clair que tôt ou tard, l'officier français finira par être exécuté. Mmh. Est-ce qu'on s'achemine quand même vers de nouvelles négociations? Oui, mais pas tout de suite. Entre-temps, Pierre Clostre, au terme d'un nouveau voyage aventureux et rocambolesque à bord de son petit avion personnel, parvient à gagner le Tibesti. Et les geôliers de son épouse l'autorisent à passer quelque temps avec elle. Clostre leur propose alors de prendre la place de sa femme. Mais ils n'acceptent pas. Et Clostre doit remonter dans son avion. Comment on ne se rend pas dans une telle région aussi facilement qu'on prend un Airbus pour partir en vacances? C'est certain. Et à chaque fois, Clostre a pris beaucoup de risques et a dû ruser avec les autorités administratives des pays par lesquels il devait transiter et à qui il donnait souvent de faux plans de vol. Sans compter qu'il était désormais persona non grata pour N'Djamena. Ouais, parce qu'il a pris langue avec les rebelles. C'est ça. Hein. Alors, quand revient-il en France, là? Au début du printemps. Ça fait 1 an que sa femme est captive. Et il constate à nouveau que le sort de Françoise Clostre et les 2 autres otages n'intéressent guère les autorités. Alors malgré la discrétion qu'on lui a recommandée, il alerte la presse. La presse qui, jusque-là, n'a guère parlé de cette affaire. Et qui ignore toujours que le commandant Galopin a été retenu prisonnier. Et si Clostre se résout à prendre contact avec les journalistes, c'est qu'il est excessivement inquiet. Il est revenu de son dernier voyage avec la quasi-certitude que les ravisseurs sont décidés à exécuter leurs otages si on ne satisfait pas leurs revendications. Mmh. Et la principale de ces revendications étant bien sûr la fourniture d'armes. Évidemment. Et ici, il faut parler de quelque chose de très curieux. Clostre est à peine revenu en France qu'un mystérieux interlocuteur lui téléphone. Il affirme être parfaitement au courant de l'affaire du Tibesti et lui dit qu'il sait où se procurer des armes. Autant vous dire que Clostre tombe des nues. Ah, parce que ça voudrait dire que quelqu'un... Non, essaie de se salir de lui pour fournir des armes au tout le monde. Oui. Et quelques jours plus tard, alors qu'il se rend une nouvelle fois au ministère de la Coopération, on lui pose crûment la question. Pouvez-vous trouver des armes? Est-ce une initiative personnelle d'un fonctionnaire? Bon, là, j'ai vraiment du mal à y croire. En fait, ce que Clostre ne peut encore savoir, c'est qu'il s'est produit un événement nouveau. Abré a envoyé un ultimatum au gouvernement français. Galopin sera exécuté si on ne lui procure pas rapidement des armes. Je veux bien, mais... Pourquoi demander à Clostre de servir d'intermédiaire? Vous avez raison, c'est très bizarre. Parce que si on veut vraiment donner des armes à Issa-Nabré, on en a les moyens. Les services secrets sont faits pour ça. Ils disposent d'avions discrets et peuvent trouver des armes sans trop de difficultés. Alors, ça veut dire que le gouvernement veut se défausser de ses responsabilités? On peut le penser, comme on peut penser que le marchand d'armes qui a appelé Clostre au téléphone ne l'a sans doute pas fait de sa propre initiative. En mars 75, 11 mois... après l'enlèvement de son épouse, Pierre Clostre, de plus en plus désespéré, est de retour à Paris. Chez un avocat et en présence d'un journaliste qui se trouve là de façon fortuite, il téléphone à ce haut fonctionnaire du ministère de la Coopération dont a parlé M. X, Robert Puissant. Clostre raconte. Nous décidons de téléphoner à Puissant pour savoir si la situation a évolué depuis ma dernière entrevue. Au bout d'un moment, la conversation tourne allègre. Puissant crie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis un fonctionnaire discipliné, moi. Tout le monde s'en fout de cette affaire d'otage du Tibesti. Le gouvernement s'en fout, le président de la République s'en fout aussi. Je le préviens alors que je suis dans le bureau d'un avocat, qu'un journaliste est présent. Après quelques secondes de silence, Puissant raccroche sans ajouter un mot. En désespoir de cause, Pierre Clostre, M. X l'a dit, décide alors de faire appel à la presse. Il faut en effet savoir que jusque-là, l'affaire a été très peu médiatisée. Voici un extrait de la longue lettre qu'il envoie aux journaux. J'ai quitté ma femme le 12 mars dernier. Son dernier regard, rempli d'angoisse, me suppliait de faire l'impossible pour la sauver. J'ai une fois de plus frappé à la porte de l'Élysée et je n'ai pas été reçu. Quant aux fonctionnaires du Quai d'Orsay et de la Coopération, il semble attendre la mort des otages avec soulagement, ce qui les débarrasserait d'une affaire ennuyeuse. Les consignes sont de ne pas faire de la peine à M. Tombalbaï. D'ailleurs, plusieurs dizaines de soldats français sont déjà morts pour ce dictateur africain sans que personne ne proteste. Donc si je vous ai bien compris, Paris, pour ne pas fâcher le gouvernement tchadien, ne veut pas prendre la responsabilité de livrer des armes à Issa Labré. Mais on fermera les yeux si c'est Clostre qui s'en charge. Oui, vous voyez bien qu'il n'ait aucune compétence dans ce domaine. Clostre se met en devoir de prendre contact avec ce marchand d'armes qu'il l'a appelé. Et il commence à chercher un avion et un équipage. Je trouve toujours ça invraisemblable. Moi aussi, pour rien vous cacher. En tout cas, la demande de ce même fonctionnaire de la coopération... C'est ce Robert Puissant là, dont vous m'avez parlé. Oui, donc à sa demande, Clostre retourne au Tibesti et se fait accompagner par un grand reporter du Figaro, Thierry Desjardins. Il doit informer les ravisseurs qu'il est prêt à leur fournir des armes. Mais il doit aussi examiner dans quelles conditions un avion de transport peut se poser dans ce désert rocailleux et montagneux. Le voyage, toujours dans le petit avion de Clostre, n'est pas moins aventureux que la première fois. Mais quand les deux hommes arrivent, c'est la douche froide. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ils apprennent de la bouche de Hissène Abré, lui-même, que le commandant Galopin a été exécuté. Ouais. Alors, il est plus urgent que jamais de donner des armes aux ravisseurs si on veut éviter que les deux autres ne soient exécutés. Bien entendu. Et Robert Puissant, qui a fait lui aussi le voyage en passant par N'Djamena, confirme devant Abré et Goukouni que Pierre Clostre est bien disposé à leur procurer des armes. C'est très important parce qu'à cet instant, les ravisseurs peuvent penser que c'est le gouvernement français qui s'engage. Et ils n'en démordront jamais. Paris leur a fait une promesse, et si cette promesse n'est pas tenue, ce sont les otages qui paieront. Mmh. Alors, quand même, Clostre n'a pas hésité à devenir, ou à tenter de devenir, pourvoyeur d'armes? Bien sûr que si, mais que pouvait-il faire d'autre s'il voulait sauver son épouse? Il était pris au piège. Il a donc repéré un endroit où un petit avion de transport pouvait éventuellement se poser. Il est reparti, muni d'une partie de la rançon remise par les Allemands. Et cette rançon, pourquoi? Pour acheter des armes? Oui, entre-temps, un coup d'État se produit à N'Djamena et Tombalbaï est assassiné et remplacé par le général Maloum. Oui, un coup d'État appuyé par la France, même, vous dites. Ça ne fait aucun doute. Tombalbaï était vraiment devenu insupportable. Ouais. Est-ce que ce changement au pouvoir peut avoir une incidence positive pour les otages? Dans un premier temps, on peut le penser, puisque plusieurs prisonniers politiques sont libérés. Mais Maloum est un sudiste, comme Tombalbaï. Et les Toubous considèrent que rien n'a fondamentalement changé à N'Djamena. D'ailleurs, Gourvennec, le chef des redoutables services de sécurité, est resté en place. Et il a sans doute joué un rôle notable dans la chute de son patron. Ouais, alors donc pour ces Toubous, rien à espérer de ce général Maloum? Non. Et il nous mettra des bâtons dans les roues à chaque fois qu'il le pourra, en faisant massacrer des habitants de villages Toubous, par exemple, ou en menaçant de rompre les accords militaires avec la France. On peut donc se demander pourquoi on a remplacé Tombalbaï, hein? Oui, peut-être, oui. Si on s'en tient strictement au règlement de l'affaire Clostre, en tout cas. Un autre événement intervient peu de temps après. Marc Combe, le fonctionnaire de la MRA, réussit à prendre la fuite en s'emparant d'un véhicule des ravisseurs. Mmh. Alors, François Clostre est donc maintenant le dernier otage aux mains des Toubous. Oui, et sa situation va devenir de plus en plus précaire, car désormais, c'est sur elle, et elle seule, que pèse toute la pression. Et les menaces. Et les ultimatums. Son mari doit donc faire l'impossible pour essayer de remplir la promesse qui a été faite à Abré et Goukouni. Il s'engage dans cette tentative d'achat d'armes et en même temps, il s'assure que l'avion de transport pourra bien atterrir dans le Tibesti. À nouveau, il fait le voyage avec un DC-4 et le pilote qu'il a engagé fait la démonstration que c'est possible. Il avance donc. Hein. Mais il doit aller très vite, car les ravisseurs sont extrêmement pressés. Mais avant d'en venir à l'achat des armes, un détail important. À l'occasion de ce dernier voyage, il a permis à trois journalistes de l'accompagner. Oui, Raymond de Bardon. Oui, ça, et aussi une photographe qui est très en cours à l'Elysée. Pourquoi est-ce important? Oui. Eh bien, parce qu'on s'inquiète sur le sort de ces trois journalistes dont on reste sans nouvelles pendant très longtemps. Je vois ce que vous voulez dire. À l'Elysée, ça commence à bouger. Et deuxième point, Depardon ramènera une interview très émouvante de Françoise Clostre. Sa diffusion à la télévision fera date. Désormais, on ne pourra plus traiter l'affaire Clostre par-dessus la jambe. Mais je reviens à ce que je vous disais. Les armes. Enfin, je vais vite. Hein. Par l'intermédiaire de ces marchands d'armes qui l'ont contacté, Pierre Clostre achète des armes au Ghana. En même temps, un grand humaniste, l'ambassadeur Stéphane Hessel, s'est proposé pour négocier avec Abré. Est-ce que lui, Hessel, sait que parallèlement, Clostre va livrer des armes aux rebelles Toubous? Oui, et sans doute n'en profite-t-il pas. Mais Hessel est décidé à tout faire pour obtenir la libération de Françoise Clostre. La négociation s'engage bien. Hessel promet de l'argent et du matériel. Et il attend avec impatience que les armes arrivent. Mais manifestement, quelqu'un a décidé de saboter l'opération. Quelqu'un Je n'en sais pas beaucoup plus, même si j'ai mon idée. Allez, je vous écoute. Il n'y a pas 36 possibilités. À Paris même, dans les plus hautes instances de l'État, on s'est peut-être dit que c'était quand même très imprudent de livrer des armes à des rebelles musulmans. Mais dans les services aussi, on aurait pu réagir de la même façon. Les services qui surveillaient tout ça de très près et qui n'étaient sans doute pas à l'unisson. Enfin, il ne faut pas non plus exclure qu'une taupe dissimulée à l'intérieur même du mouvement de rébellion n'ait alerté le gouvernement tchadien. Ouais, ça fait donc trois hypothèses. Et ces manœuvres de sabotage, alors ? Un entrefilet paru dans un hebdomadaire parisien révèle le poteau rose. Un de ces quatre chargés d'armes sera en partance pour le Tibesti. Deuxième sabotage, encore plus grave pour les claustres et la négociation menée par Stéphane Hessel. Les armes arrivent bien, mais elles ne sont pas celles qu'attendaient les rebelles. Et surtout, elles sont dépourvues de munitions. Pierre Claustre a été roulé. Oui, elle se croquait peut-être. Et c'est lui qui est rendu responsable. Bien entendu. Quant à Hessel, les ravisseurs ne lui font plus confiance et il est brûlé à N'Djamena. Alors Claustre, qui craint de plus en plus pour la vie de sa femme, décide d'aller lui-même au Tibesti pour se justifier. Et à peine arrivé en août 75, il est fait prisonnier. Et il le restera jusqu'au bout, le plus souvent séparé de sa femme, en s'attendant au pire à chaque instant. Et pendant ce temps-là, est-ce que de nouvelles négociations reprennent ? Il ne peut pas en être autrement depuis que la France entière a vu Françoise Claustre à la télévision. À l'automne, donc, de cette même année 75, on envoie même au Tibesti un préfet qui a eu Issénabré comme stagiaire. Ah oui, pour tenter de la moitié. Un préfet qui n'est pas venu les mains vides, il apporte avec lui une rançon de 4 millions de francs et la promesse de parachutage de matériel et de vivres pour une somme de 6 millions. Ah, mais toujours pas d'armes. Non. Ce qui fait que, malgré la remise de cette importante rançon, Abré ne consent pas à libérer les époux Claustre. Et une longue année va encore s'écouler pour les prisonniers du désert. Heureusement, une dissension se produit entre Abré et Goukouni. Tous deux tout bout, mais n'appartenant pas à la même tribu. Abré choisit de partir, Goukouni reste. C'est donc lui le geôlier dorénavant. Et c'est un geôlier plus accommodant que Abré. Il permettra par exemple au Claustre de se retrouver. Mais surtout, Goukouni a compris que sa rébellion était promise à stagner s'il ne trouvait pas de l'aide. Et naturellement, il se tourne vers la Libye. Mais je croyais que la Libye soutenait déjà les rebelles Toubou. Ah, la réalité était plus complexe. Les Toubou étaient des nationalistes et ils supportaient mal les visées territoriales de la Libye sur la bande d'Aouzou. Oui. Mais si je vous comprends bien, Goukouni décide d'oublier pour un temps ce différend. Et il se rapproche de Kadhafi. Et comme dans le même temps, nous sommes en train de négocier de mirifiques contrats d'armement avec la Libye, les choses s'arrangent toutes seules. Françoise Claustre, qui a passé 1000 jours en captivité, est conduite en janvier 77 du Tibesti en Libye. Elle est enfin libre, et son mari aussi, bien sûr. Et ironie de l'histoire, Abré deviendra un an plus tard Premier ministre du Tchad. C'est bien la preuve que le kidnapping peut mener à tout. Les Claustres ont donc été libérés en Libye. Jusqu'à la parution du livre de Pierre Claustre, les deux époux sont demeurés extrêmement discrets. Mais il est intéressant de revenir sur leur première déclaration, faite tout de suite après leur libération. Françoise Claustre choisit d'abord d'exprimer sa gratitude pour le gouvernement libyen, je la cite. « Je voudrais que tous les Libyens sachent combien nous avons été touchés, mon mari et moi, de l'accueil chaleureux que la Libye nous a réservé. Je n'oublierai jamais ces trois jours. » Elle parle ensuite longuement de sa captivité au Tchad, des femmes et des enfants Toubou qui, dit-elle, ont compris sa détresse et tenté de leur mieux de l'intégrer à leur vie familiale en dépit de l'état de guerre dans le Tibesti. Et quand on lui demande si elle ne s'est pas sentie abandonnée par la France, elle répond de façon lapidaire. Dans les conditions présentes, seul le porte-parole du gouvernement français peut répondre à cette question. Pour ma part, je ne peux parler que de ce que j'ai vu et de tout ce que la Libye a fait pour moi. Et elle fait enfin référence à son interview télévisée de 1975 où elle exprimait son désespoir.